Samedi 27 octobre, 20h, le multiconcessionnaire de Dolbeau-Mistassini reçoit la visite du MGR Express de Jonquière au complexe sportif du secteur Dolbeau. Le coût d'admission, seulement 8 $. Venez voir du hockey de haut niveau, à faible coût, avec des joueurs d'ici. Go Multi Go! Votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone, Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant de tennis. Il y avait des matchs hier au Challenge Bank National qui nous intéressaient. D'abord, à noter que Bianca Andreescu... Non, je pense que c'est pas mal à ça que je m'attendais, à un bon niveau. Je pense qu'il n'y a pas de surprise. C'est les meilleurs juniors au monde ici. C'est la porte pour la NHL. Puis je pense que c'est pas mal à ça que je m'attendais. Puis je suis content du niveau. Je regrette pas mon choix d'être venu. OK. Deuxième temps, Théo Rochette a voulu rendre hommage au Saguenay-Lescoutimi pour avoir facilité l'intégration du joueur suisse. À tous les niveaux, on travaille vraiment sur tous les détails durant les pratiques. Puis au niveau de l'école aussi, on a vraiment beaucoup d'aide. Puis je pense que c'est ça qui facilite à tous les joueurs aussi de pouvoir mieux travailler en dehors de la glace puis sur la glace. Donc, OK. Dans le dernier temps, Théo Rochette, évidemment, parle du rendement des Saguenay qui est vraiment supérieur aux attentes. Oui, c'est sûr que j'ai entendu dire qu'on nous attendait pas là non plus. Puis je pense qu'on a vraiment une très bonne équipe et jeune aussi. Donc, on a deux bons gardiens, on a une très bonne défense, je pense, une des meilleures de la Ligue. Puis on a vraiment des bons joueurs aussi en attaque. On a toutes sortes de différents profils. Puis ça se complète bien. On s'entend vraiment tout bien. On a vraiment une chimie dans l'équipe incroyable. Je pense qu'il n'y a pas un gars qui pourrait dire tel ou tel on l'aime pas ou n'importe quoi. Je pense que vraiment tout le monde s'entend bien. On rigole beaucoup dans le vestiaire. Puis... Avec du hockey scolaire, les Aigles de Roberval ont perdu 7-0 contre la formation de Québec en Division 1. J'invite à écouter la section entrevue de DanRadioSport.com. Hier, on a parlé avec Pascal Jobin. On a analysé la conférence de l'Est dans la NBA en ce début de saison. Je me suis également entretenu aussi avec Simon Gaudreau des Aigles de Roberval, Mathieu Garon de la Ligue senior du Lac-aux-Fleuves. Le sport local et régional à DanRadioSport.com. On s'en occupe.